Exercice 6, page 96. A. C'est notre langue. C'est votre langue. B. C'est notre chambre. C'est votre chambre. C. C'est notre genre. C'est votre genre. D. C'est notre ambiance. C'est votre ambiance. E. C'est notre enfance. C'est votre enfance. F. C'est notre ensemble. C'est votre ensemble.